de regret dans le cœur, ça nous pèse comme du métal. Mais bon, c'est pas de ma faute, je suis pas né sous la bonne étoile. Mais toi, à ma place, et imagine deux secondes. Oubliez ta galère dans un gros spliff de skunk. J'en parle car je l'ai fait, putain de cause à effet. On veut la gloire, mais on se noie dans des putains d'échecs. Y'a un putain de dilemme, on me dit la vie est belle. Mais dans ma tête, ça part en couille, à la ville, elle est belle. Je voulais la vie de rêve, j'ai eu les mains noires. À croire qu'on attire la merde comme des chats noirs. J'ai demandé la paix, j'ai eu les tranchées. Le chétan danse et l'espoir s'est fait trancher. Traité comme des étrangers, dur de se ranger. Nos rêves déchus de carottes pour nous faire avancer. Au fond, c'est ce putain de sol français qui fait que notre innocence fait du vif-fait. Encore un couplet dédié à nos rêves brisés. Nos yeux de gosse, la vie nous pousse à les mépriser. On est en crise, déjà épuisé. Et malgré les coups dans nos cœurs, on a puisé. Encore un couplet dédié à nos rêves brisés. Nos yeux de gosse, la vie nous pousse à les mépriser. On est en crise, déjà épuisé. Et malgré les coups dans nos cœurs, on a puisé. Niveau misère, y'a pas pire que la sienne. Ça marche pour toi, pour moi et pour elle. Toi t'as chié à cause d'une chienne, lui c'est à cause de ses chaînes. Et chez elle, c'est le ciel qui se déchaîne. Chez ce bambin, l'avenir ressemble à un stand de tir. Car chez lui, se déchire depuis toujours deux ethnies. Chez ce gosse, c'est le divorce qui a causé une entorse inguérissable. Il a mal, mais il joue les boss. Ce bonhomme lève des tonnes à la salle. Mais dès qu'il repense à sa femme, il chialait. Cette pauvre gamine pour aller au lit rechigne. Normal, à 12 ans, depuis 3, elle tapine. Nos rêves brisés, thèmes faciles à exploiter. Sur sa rue, ils m'ont vécu, j'aurais pu vous faire chialer. Mais à bien y repenser, ce ne serait pas très sensé. Car des rêves, même brisés, moi au moins j'en fais. Encore un couplet dédié à nos rêves brisés. Nos yeux de gosse, la vie nous pousse à les mépriser. On est en crise, déjà épuisé. Et malgré les coups dans nos cœurs, on a puisé. Encore un couplet dédié à nos rêves brisés. Nos yeux de gosse, la vie nous pousse à les mépriser. On est en crise, déjà épuisé. Et malgré les coups dans nos cœurs, on a puisé. Des rêves brisés, jamais de quoi créer un livre. Peu importe mon frère, cette vie faut la vivre. Et tu vis puis survis, agent en ivre. Barre j'ai la vie mais elle ne fait que poursuivre. Et je ne veux pas vous saouler, je ne vais pas couler. Fait que découler ce qui me poussait à rouler. J'ai eu ce que je voulais, éviter les poulets. Éviter les foulées, meufs qui en voulaient. La bite, des thunes, les habits et la lune. Elles s'en battent qui tu es, elles s'en battent tes lacunes. À la une, la fortune, nique la rancune. Mais nique leur mère, moi la vie j'en ai qu'une. Trop de rêves brisés, j'arrête pas de viser. Le trou de balle de la France, pas encore indemnisé. Mon peuple utilisé, tout est déguisé. Démocratie, je te baisse, je n'ai pas fini d'aviser. Encore un couplet dédié à nos rêves brisés. Nos yeux de gosse, la vie nous pousse à les mépriser. On est en crise, déjà épuisé. Et malgré les coups dans nos cœurs, on a puisé. Encore un couplet dédié à nos rêves brisés. Nos yeux de gosse, la vie nous pousse à les mépriser. On est en crise, déjà épuisé. Et malgré les coups dans nos cœurs, on a puisé. Déçu par la terre, par ceux qui l'entourent, par ceux qui l'enterrent. Déçu des hommes et de leur guerre. Déçu des frères qui dérapent et qui s'enterrent. Déçu que la différence soit liée à l'arrogance. Déçu par la vie et des souffrances. Ses soucis, elle qui a laissé beaucoup de mes frères en sursis. Celle-ci en a mené plus d'un sur le carreau ou derrière les barreaux. Message du cœur à tous mes potos, à ceux qui sont partis trop tôt. Je profite du thème et du micro, puisque j'ai la rage et les crocs bien insérés. Déçu par l'état qui rêve de nous voir incarcérés. Et par le peuple qui laisse les taux se resserrer. D'avoir laissé régner sur la France un enculé. De voir couler des larmes sur les joues de nos mères, nos femmes et nos sœurs. Offrir une vie meilleure à ma femme, ma fille qui resteront dans mon cœur. Encore un couplet dédié à nos rêves brisés. Nos yeux de gosse, la vie nous...